C'est la chanson des petites fleurs bleues qui se battent dans l'herbe. C'est la chanson des amoureux qui préfèrent être vertes. Oh, c'est dur pour les petites fleurs bleues comme pour les amoureux. C'est la chanson des poils à frire qui aiment pas trop les crêpes. C'est la chanson des durs à cuire quand cadre pas les fenêtres. Oh, c'est dur pour les petites fleurs bleues comme pour les amoureux. On se fait des montagnes de vaisselle, même avec de Dietrich. Un quart d'amour, un peu de cervelle, le bonheur est en friche. Oh, c'est dur pour les petites fleurs bleues comme pour les amoureux. Qui rêve de Côte d'Azur, c'est pas gagné, dit l'avocat, rassurez vos rigures. Oh, c'est dur pour les petites fleurs bleues comme pour les amoureux. C'est la chanson de tous les gamins, crier à la justice. C'est le blues de pas mal adulte d'avoir à faire des artifices. Oh, c'est dur pour les petites fleurs bleues comme pour les amoureux. C'est le chant du signe des ordures, au complet contre qu'on jette. C'est la dure loi des tubes d'été qu'on adore et qu'on éjecte. Oh, c'est dur pour les petites fleurs bleues comme pour les amoureux. Oh, c'est dur